Deuxième partie. Les années Kennedy et Johnson, 1960-1968. Chapitre 8. Quand la CIA cherchait à tuer Fidel. Fidel Castro présente un point commun avec les grands héros de films d'action américains, sa capacité à défier la mort et à traverser intact les pires chausse-trappes. Cigare piégé, assaut sous-marin, empoisonnement, tout a été envisagé pour l'éliminer. Rien n'a fonctionné. Aucun autre chef d'État étranger n'a été dans l'histoire la cible d'un tel acharnement de la part de la CIA. Pour comprendre cette obsession castriste qui a gouverné la politique américaine pendant près de 50 ans, il faut revenir à la révolution cubaine. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro chasse le directeur Batista du pouvoir sur l'île de Cuba, traditionnel havre de jeu et de plaisir pour riches américains. Aux yeux de l'administration, il semble hors de question de laisser un gouvernement socialiste révolutionnaire prospérer à proximité de ses côtes. Pourtant, lors de sa première visite aux États-Unis en avril 1959, Castro n'est pas encore l'ennemi proverbial qu'il deviendra. Il rencontre même un officier de la CIA qui le décrit dans son rapport comme « un nouveau chef spirituel pour l'Amérique latine démocratique et antidictatoriale ». Mais le président Eisenhower ne partage pas cette fraîcheur, et la méfiance de rigueur à Washington envers les révolutionnaires du Sud l'emporte. Dulles donne le feu vert à une élimination de Castro. Un groupe anti-Castro est mis en place dès le mois de janvier 1960 par le directeur des opérations, Richard Bissell, constitué essentiellement des officiers de l'opération guatémaltèque ayant eu lieu 6 ans plus tôt. Commence alors un des épisodes les plus créatifs de l'histoire de la CIA, qui multiplie les scénarios les plus improbables. Une note de 7 pages soumise au président Nixon envisage d'introduire dans la nourriture de Castro une drogue hallucinogène qui créera chez lui un comportement irrationnel et le fera se couvrir de ridicule en public. En mars 1960, la CIA propose plus sérieusement à Eisenhower de créer de toutes pièces une opposition en exil, dotée d'une radio clandestine, et entraînée à Panama pour envahir Cuba et y déclencher une insurrection, qui sera alors soutenue par des parachutages d'armes. On reconnaît le schéma qui a si bien réussi contre Arbenz au Guatemala. Le but est de faire chuter Castro juste avant la prochaine élection présidentielle, qui doit opposer Nixon à Kennedy à la fin de l'année. Le feu vert est donné, mais le plan ne peut aboutir avant les élections. En pleine détente avec Khrouchtchev, Eisenhower est empêtré dans l'affaire de l'avion espion U-2 abattu par les Soviétiques et dont le pilote Francis Gary Powers révèle son appartenance à la CIA. Pendant ce temps, la CIA déploie sa cellule anti-Castro à Miami, et un camp de 500 rebelles est installé, non pas à Panama, mais au Guatemala. Le problème est que Miami grouille de réfugiés cubains, dont certains sont des espions au service de Castro. Le plan d'invasion devient de moins en moins secret. Richard Bissell estime que ce plan réussira d'autant plus facilement que Castro pourra être éliminé en amont. Il contacte donc tout simplement la mafia, par l'intermédiaire de l'homme de main Robert Mayhew, pour lancer un contrat contre Fidel. L'organisation du crime a quelques raisons d'en vouloir au leader cubain, qui l'a dépossédé de ses maisons de jeu. Elle accepte le contrat, mais ne se précipite pas pour intervenir. En septembre, l'élection est imminente, et il devient évident que l'opération d'invasion n'est pas mûre. Trop d'amateurisme, manque de relais sur l'île. Le soutien des marines américains serait une condition sine qua non pour réussir. C'est politiquement impensable, et Nixon demande à la CIA de suspendre ses projets le temps de l'élection. John Kennedy est élu président des États-Unis, avec une très courte avance. Il reconduit immédiatement Allen Dulles dans ses fonctions. Avec Richard Bissell, Dulles présente au nouveau président le projet d'invasion de l'île, qu'Eisenhower n'avait pas encore approuvé, comme prêt à être activé. Dans l'euphorie de sa victoire, l'équipe Kennedy ne se pose pas de questions sur la viabilité du plan. Le parrain mafieux Sam Giancana, qui a largement soutenu l'élection de J.F. Kennedy, a promis de faire tuer Castro le jour programmé pour l'invasion. Ensuite, tout se déroulera comme prévu. Or, selon le témoignage de Ramiro Valdés, le fondateur des services secrets cubains, ces derniers suivent pas à pas tous les préparatifs de l'opération au Guatemala, en Floride et sur l'île. D'autre part, toutes les personnes ayant accès à Fidel Castro et pressenties par la mafia pour glisser le poison dans sa nourriture s'affolent et s'enfuient ou sont découvertes avant de pouvoir agir. Les mises en garde se multiplient à l'intérieur comme à l'extérieur de la CIA sur les fuites, mais Bissell et Dulles restent imperturbables. Le 17 avril 1961 a donc lieu le désastreux débarquement de la baie des Cochons au sud de Cuba. 114 exilés sont tués, 1200 capturés. Castro marque sa victoire par un discours télévisé de 4 heures qui ridiculise le gouvernement des États-Unis. Kennedy assume l'entière responsabilité de l'échec lors d'une conférence de presse le 21 avril, ce qui lui vaut un soutien sans faille de l'opinion. Comme après lui Ronald Reagan, Kennedy jouit d'une telle popularité que les scandales glissent sur lui sans le marquer. On parle de « président Teflon ». Certes, il sera ensuite critiqué pour son indécision, annuler la deuxième frappe aérienne prévue lors de l'assaut, après l'échec d'une première frappe préalable, condamner les assaillants à la défaite. Selon la version officielle, Kennedy craignait que son administration soit trop ouvertement impliquée dans ce qui devait rester une affaire purement cubaine. Surtout, il s'apercevait qu'il avait trop vite fait confiance à Allen Dulles. Mais une autre hypothèse est envisageable. Selon Arthur Schlesinger, alors assistant spécial du président, Kennedy n'a jamais pris pour argent comptant les propos rassurants de la CIA et voyait parfaitement les failles du projet, d'autant qu'il était informé de l'échec des tentatives mafieuses sur le sol cubain. Mais il s'inquiétait aussi des conséquences d'une annulation de l'opération. Comment rapatrier sur le sol américain tous ces exilés cubains gonflés à bloc pour en découdre et qui ne manqueraient pas d'étaler dans la presse leur ressentiment contre une administration trop lâche pour mener à bien l'invasion et trop molle dans son anticommunisme. Schlesinger rapporte ce propos de Kennedy. « S'il faut nous débarrasser de ces hommes, autant le faire à Cuba plutôt qu'aux États-Unis, d'autant que c'est là-bas qu'ils veulent aller. » C'est pourquoi, selon le journaliste et biographe de Kennedy, Seymour Hersh, le refus d'annuler l'opération et de la soutenir au plan aérien n'est pas une marque d'indécision, mais bel et bien un calcul politique et cynique visant à se débarrasser du problème sans passer pour un faible aux yeux de l'opinion. Que cette hypothèse soit vraie ou pas, il est certain que J.F. Kennedy, qui fit bonne figure devant la presse, fut personnellement affecté par cette débâcle et développa dès lors une véritable obsession anti-Castro. Ce qui aurait dû marquer le point final des opérations cubaines de la CIA fut plutôt un nouveau départ, avec une escalade de projets d'assassinat, tous voués à l'échec. Dulles et Bissell furent remerciés, et Bobby Kennedy, ministre de la Justice, supervisa personnellement la CIA pour le compte de son frère. Tout au long des années 1960, l'île fut aussi la cible de raids navals ou aériens à plus petite échelle, accomplis par des exilés formés par la CIA. La crise des missiles de Cuba en 1962, dans laquelle un avion U-2 découvrit l'installation en cours de missiles à longue portée sur l'île par les Soviétiques, ne fit qu'attiser la flamme anticastriste. À ces opérations s'ajouta un embargo total de Cuba, y compris sur des biens de première nécessité, et de nombreux coups tordus. Selon une enquête du San Francisco Chronicle parue en 1977, La CIA introduisit par exemple en 1971 à Cuba le virus de la peste porcine, obligeant les Cubains à abattre 50 000 porcs pour éviter la contagion. Mais c'est dans les attaques contre Fidel Castro lui-même que les scénarios les plus improbables furent déployés, comme le détaille le rapport Church reproduit ici. Dès lors demeure une question qui a hanté Bobby Kennedy jusqu'à sa propre mort, l'assassinat de son frère John à Dallas le 22 novembre 1963, fut-il la réponse de Fidel Castro aux tentatives lancées contre lui? Il n'est pas possible de le dire tant que le régime castriste reste en place à La Havane, mais il est certain qu'en s'acharnant contre le leader cubain, le président Kennedy aura donné l'exemple à ceux qui l'ont supprimé.